Fin 2012, 6 années ont passé. Rien n'aura mis de l'ordre entre la barre et la base. Mon blaze, c'est le meilleur ami que l'homme. La rime, ça fine qu'un tas de vous l'entendre. Ou pas, je la remplis de sa vire. Un sac vide, ne tient pas debout longtemps. La vie nous baisse tous, attendre notre jour. Moi je me bats, toi qui t'as dit qu'il fallait tendre l'autre jour. Frère, je marchais dans les flammes, je ne serais plus là pour prier. Non, non. Ma vie n'est pas un drame, parler d'un toc animalier serait plus approprié. Ma politesse dise, à force de reculer, c'est pareil. Passez pas l'entrée des artistes, vous dire enculé, c'est pareil. C'est du engaffe de pauvre, je n'apprends que le brut. Tu tournerais pas autour du pot si pousser la plante que je brûle. Bah ouais. Je gagne ma vie entre le béton, la peine à métaux. J'essaie de faire comme tout le monde, mais je me rappelle la peine, la méthode. J'écris des raps, mais qui les lit entend. Je suis bien chez moi, mais je comprends le gitan quand il me rappelle qu'il est libre. Panique, je suis de la race canine, tes bras dans les plus. Le ciel pâle, moi je le regarde en panique, on me gratte dans les puces. L'ami, la vie t'a donné, t'enlèvera la gamelle. Je lui pardonne ses fois où elle m'a abandonné dans les bras de la gamelle. Dire qu'on disait qu'on passerait pas la trentaine, n'allait pas fondre. En larmes de long, large, la balade entraîne dans les bas-fonds. Qui t'y ressort, moi, tous mes frères dans tes règles. Va le dire aux autres, je vis de la moitié de mon fer au sol. Pour tous mes frères enterrés, la rage fait partie des meubles. Pose rien dessus, si chez moi date qui demeure, c'est quelle cause bien sûr. Tu brailles, ils te crieront qu'on t'entend passer. Dis-leur de quoi tu as besoin de crailles, ils t'écriront comment t'en passer. Va chier, mon dossier délicat s'alourdi. Je suis pas si différent de l'époque du père Lachaise. Et dédicace à Nourdine. Je suis de ceux qui guérissent à mi-parcours, mes fautes restent. Je suis de ces jeunes qui vieillissent mal, donc pas comme il faudrait. Colérique, colère, torchant. J'colle des rimes sur un torchon. Une demi-douzaine d'années dans la face et des potos font la belle. La valse des prénoms s'efface, hélas, et des photos font de la peine. Au fond d'un mot, comme un noyé et un bâtard, on change après avoir embrassé le front d'un mort que l'on voit et imbattable. En terre et un clébard, c'est qui font une pioche et des bras. Et un petit sans aucune plaque qui dit que le mioche était brave. Droite de la terre sur les ondes, on dit la vie. Putain, raison, c'est ta rancœur sur les ondes, on dit la vie. Putain, c'est abusé, m'en reste un tas de plumes à user. Mais foutre des rimes sur un torchon, c'est à deux doigts de plus m'amuser. As-tu idée? Trois mots, ce terme est ras-le-bol. As-tu idée? C'est toujours pas celui de la maturité. Pourtant c'est le dernier album. Des années ont filé, le temps qu'on patine. Mais il m'a confié à des fous dans la boue. Ça fait longtemps qu'on patine. Le film est passable, il tente dire en démo. Ville ou quelques passages. Moi c'est gosse que j'ai vu grandir en démo. Réaliser ses rêves, les vrais. Sans passer par le plumard. Je voulais voir le soleil de près. Mais t'en passes pas plumard. On vend des clopes avant des clopes. Puis on déteste le hall. On prend le départ pour le vendre des globes sur une des caisses de home. Entre naufrage et poison, c'est juste que mon riz voit sombre. Soit tu rentres à la nage, soit tu nourris les poissons. Un sorcier. Je suis de ceux qu'il faudrait pendre et négocier. C'est par l'épée quand c'est le feu qu'il faut répondre. En 6 piges. En ce qui nous concerne, on s'est fait passer le verre. Sur quelques affiches de concert où tous les bras s'élevèrent. Quelques voyages en passade, c'est le cœur qui parlera. Ces frères-là sont irremplaçables si je leur dis pas, je le rap. Le chien se meurt et finalement c'est nourri. Rire ivre, avoir la fureur de vivre et finalement c'est mourir. Tox enlève le son, je me permets d'écrire, mec, comment fuir ou survivre en 13 leçons, fermer les guillemets. Colérique, l'humain torchant. J'colle les rimes sur un torchon. Chacun son vécu déçu, j'ai pris la roue. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pris ma roue. Colérique, l'humain torchant. J'colle les rimes sur un torchon. J'ai surmonté les profondeurs avec l'art et mental. Croyais être à l'heure, mais c'est carrément tard. Qu'est-ce qu'il y a? Colérique, l'humain torchant. J'colle les rimes sur un torchon. Chacun son vécu déçu, j'ai pris la roue. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pris ma roue. Colérique, l'humain torchant. J'colle les rimes sur un torchon. Surmonter les profondeurs avec l'art et mental. Croyais être à l'heure, mais c'est carrément tard. Qu'est-ce qu'il y a?